Vous vous mettez en position la plus confortable possible. Vous avez fait en sorte que rien ne vous gêne. Vous allez vous détendre en prenant tout votre temps. Vous fermez les yeux. Dès que vous vous sentirez en sécurité, pour vous recentrer sur vous-même et quitter les préoccupations extérieures. Nous allons commencer par un exercice respiratoire. Vous allez vider vos poumons bien à fond. Ensuite, vous inspirez par le nez lentement, en ressentant la tension dans tout votre corps, bien à fond. Ensuite, vous bloquez l'air dans votre cage thoracique le plus longtemps possible, en laissant l'oxygène alimenter votre corps et lui apporter un souffle frais et vivifiant.